Si vous désirez la bénédiction de Dieu, vous devez d'abord désirer être une bénédiction pour les autres. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Deux cultivateurs ensemencent leur champ au printemps. Si le premier couvre de grains de blé un champ de 20 acres et le deuxième un champ de 75 acres, il n'est pas difficile de prévoir qui emmagasinera le plus de blé dans son silo quand le temps de la récolte sera venu. On récolte ce qu'on a semé. Cette loi fondamentale de Dieu s'applique en tout temps, quelle que soit la nature du trésor que vous accumulez. Qu'il s'agisse de blé ou d'amis, vous recevrez dans la mesure où vous avez donné. Et nous ne pourrons jamais être plus généreux que Dieu. Charles Stanley entreprend un autre retour aux sources et nous aide à comprendre l'enseignement de la parole de Dieu sur notre trésor. Quelles sont les choses les plus précieuses à vos yeux? Et après les avoir identifiées, pouvez-vous me dire où elles sont? Où sont situés vos trésors? Pouvez-vous m'indiquer un endroit précis? Sont-ils près de vous? Ou êtes-vous plutôt incertain quant à la location des choses les plus précieuses de votre vie? Selon les Écritures, tout ce que nous possédons tombe dans la catégorie des trésors, qu'il s'agisse de nos vêtements, de notre automobile, de notre maison, de notre argent ou de toute autre chose, tout cela est inclus dans la catégorie de nos trésors. Mais ce n'est pas tout. Certaines choses immatérielles et invisibles se trouvent également dans cette catégorie. Car nous possédons tous des trésors qui ne sont pas matériels, mais qui ont infiniment plus de valeur. Nos trésors sont un aspect de notre vie qui doivent être soumis à une stricte discipline, à un contrôle rigoureux et à une obéissance sans faille envers Dieu si nous voulons devenir les personnes que Dieu a prévues que nous soyons dans son plan et accomplir sa volonté par nos actions. Nos pensées, notre temps et nos talents doivent être soumis à la Seigneurie de notre Maître, et nous parlerons aujourd'hui de nos trésors. Lors de son passage physique sur la terre, Jésus a exposé avec beaucoup de clarté et de précision sa volonté en ce qui concerne nos trésors. La Bible en a conservé un compte-rendu dans le Sermon sur la montagne dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6. Jésus nous rappelle l'importance de notre attitude devant plusieurs aspects de notre vie, sans oublier nos trésors. Regardons Matthieu chapitre 6 en partant du verset 19. Lisons les versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je demeure encore émerveillé par le nombre de choses importantes dites en si peu de mots par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous amassez pas de trésors sur cette terre, mais dans le ciel. Considérons un moment nos trésors. Nos possessions dans la vie, précieuses à nos yeux, peuvent varier d'une personne à l'autre presque à l'infini. Il peut s'agir d'une chose matérielle, d'un don ou d'un talent, peu importe. Mais il existe une façon de considérer nos trésors qui nous rapportera beaucoup, qui nous bénira au maximum et qui nous permettra de marcher devant Dieu dans un esprit d'obéissance. Mais avant d'en arriver à ce point, nous devons comprendre en quoi consiste une vision adéquate de nos trésors. Nous avons déjà dit que toutes nos possessions font partie de la catégorie de nos trésors. Il nous appartient maintenant de considérer nos trésors selon la perspective de Dieu, car elle seule est véritable et adéquate. Et la parole de Dieu nous en donne clairement le principe. Tout appartient à Dieu. Dieu est le seul véritable propriétaire de toutes nos possessions. Tout lui appartient. Et une fois cette question réglée, toute la question fondamentale d'une perspective juste de nos trésors est également réglée. Prenons par exemple le psaume 50, verset 10, et écoutons le message de l'Éternel. « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Ou encore, dans Deutéronome, chapitre 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Il parle ici de richesse. « Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Dieu nous donne la santé pour pouvoir acquérir des richesses et toutes nos possessions. Nous devons donc premièrement comprendre et absorber un principe fondamental. Ce principe constitue la clé qui nous permet d'avoir une juste perspective de notre trésor. Tout appartient à Dieu. Nous devons ensuite appliquer ce principe fondamental à notre vie. Si tout appartient à Dieu, quelle est ma relation avec mon trésor? Eh bien, si tout lui appartient, notre trésor ne nous appartient pas. Nous sommes les gestionnaires de ce que Dieu a investi en nous. La Bible utilise un terme similaire, soit le mot « dispensateur », pour nous décrire. On se rappelle 1 Pierre 4, verset 10? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Bien qu'il ne soit pas le propriétaire des biens qui lui sont confiés, la responsabilité du dispensateur est de gérer ses biens avec sagesse, car il devra rendre compte de sa gestion propriétaire. Nous devons donc bien gérer nos pensées, notre temps, nos talents et, bien sûr, nos trésors. Nous sommes les gestionnaires ou dispensateurs des trésors que Dieu a consenti à investir en nous. Il a mis ces trésors à notre disposition afin de s'en servir comme outil de formation. Regardons maintenant le 16e chapitre de l'Évangile selon Luc. Les versets 10 à 12 parlent de notre responsabilité de gestionnaire. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est-à-dire les choses matérielles, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? J'ai souvent réfléchi à ma conception de trésor. Beaucoup de gens identifient leur trésor à une somme considérable d'argent ou à de nombreuses possessions. Quant à moi, je pense à mon trésor depuis très longtemps. Mon premier salaire était de 4 $ par semaine pour distribuer des journaux. 4 $ par semaine! C'était tout ce que je possédais et c'était mon trésor. Et sur ces 4 $, j'en donnais un à Dieu. J'avais pris une décision inspirée car j'ai appris très tôt qu'en redonnant à Dieu une partie des biens qui m'étaient confiés, il me répondait avec des bénédictions. Lorsque nous songeons à une perspective adéquate de notre trésor basée sur l'enseignement de Jésus, nous pouvons en tirer quelques conclusions. Il est inutile de porter beaucoup d'intérêt à nos trésors terrestres car nous en profiterons seulement pendant une infime partie de notre existence. Nous devons ensuite reconnaître le véritable propriétaire de nos trésors, Dieu. Finalement, nous devons reconnaître notre véritable relation avec nos trésors. Nous en sommes les gestionnaires et les dispensateurs, pas les propriétaires. Ces trois principes de base sont d'une extrême importance et leur application dans le domaine financier à lui seul constitue un pas de géant dans notre relation avec Dieu. Mais cela ne se limite pas là. Nos trésors comprennent aussi cette relation avec Dieu, avec notre famille et avec toute personne. Jésus nous exhorte à ne pas amasser ces choses sur la terre, car nous devons employer autrement nos trésors. Premièrement, reconnaissons donc qui en est le propriétaire. Puis, demandons-nous quelle est notre véritable relation avec nos trésors d'une part et avec le propriétaire d'autre part. Je dois aussi reconnaître la manière adéquate d'acquérir ces possessions selon le point de vue biblique. Nous pouvons les acquérir de plusieurs façons. La première, c'est par notre travail, comme il est mentionné dans Exode 34, verset 21. « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. » Selon Dieu, nous devons travailler pour acquérir nos possessions. Je dois réaliser que pour acquérir des biens d'une façon bibliquement adéquate, je dois travailler. Deuxièmement, je dois réaliser de sages investissements. Par exemple, si vous avez seulement 4 $, combien devez-vous investir? Je peux vous dire ce que j'ai fait. J'ai investi $1 dans l'église où j'allais, dans l'œuvre de Dieu. C'était un investissement très sage. Tournez avec moi, si vous le voulez, dans le 25e chapitre de Matthieu. Il s'agit de la parabole de talents. Écoutez comment le maître juge l'homme qui avait été un bien piètre dispensateur de l'argent qu'on lui avait confié. Le premier serviteur avait reçu 5 talents, l'autre 2 et celui qui n'en avait reçu qu'un seul. Et au lieu de l'investir, il l'a caché. Et voici les paroles de Jésus telles que rapportées dans Matthieu 25, verset 27. « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Je ne dis pas que vous devriez courir à la banque et y déposer tout votre avoir. Cela ne serait peut-être pas très sage. Mais le principe à retirer ici, c'est de bien gérer les dons que Dieu nous a confiés afin de lui remettre plus que ce qu'il nous a donné au départ. » Nous devons donc premièrement travailler pour nos acquisitions. Deuxièmement, nous devons faire preuve de sagesse dans nos investissements. Troisièmement, nous devons donner, et les gens nous donneront en retour. Prenons Luc chapitre 6 comme exemple. Nous allons voir un passage très encourageant au verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Aucune ambiguïté n'est possible. Nous sommes ici devant une promesse de Dieu énoncée noir sur blanc. Si nous donnons, il nous sera donné. Et qui se porte garant de cette promesse? Un homme? Dieu merci, non! C'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qui met toute sa crédibilité en jeu. Vous rendez-vous disponible pour les dons de Dieu? Si vous dites « Personne ne m'a jamais rien donné », je dois vous demander « Que donnez-vous aux autres ?» La Bible n'a jamais prétendu qu'il vous suffisait d'ouvrir les mains en disant « Très bien, Seigneur, je suis prêt pour un cadeau ». La Bible enseigne que si vous désirez un don, donnez à quelqu'un d'autre. Si vous voulez du temps, donnez votre temps. Si vous voulez plus d'amour, donnez de l'amour. Si vous voulez plus d'argent, donnez de l'argent. Quatrièmement, pour acquérir, il faut économiser. Après le travail, les investissements et les dons viennent les économies. Lisons Proverbes 21, verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Le sage conserve ses trésors, mais l'insensé les dépense à mesure. Dieu ne laisse rien au hasard quand il nous donne ses instructions sur la manière dont nous devons vivre. Si nous voulons vivre dans la sagesse, nous devons soumettre nos pensées, notre temps, nos talents et dons à une discipline stricte. Si vous désirez plus que ce que vous possédez, vous devez faire preuve de sagesse avec ce que Dieu vous a déjà donné. Car pourquoi confierait-il plus de biens à un dispensateur négligent? Nous avons parlé de l'acquisition adéquate des trésors que Dieu nous confie. Nous pouvons maintenant passer au prochain sujet, leur utilisation correcte. Comment pouvons-nous utiliser convenablement nos trésors? Les instructions de Dieu sont encore une fois limpides. Dieu ne nous laisse pas dans le vague sur les différents aspects de notre vie. Nous devons utiliser nos trésors premièrement pour promouvoir l'œuvre de Dieu. Tournez, si vous le voulez, dans le livre de Malachie au chapitre 3. Nous y trouvons une merveilleuse promesse accompagnée d'un défi. Ce passage renferme un principe fondamental qui donne du fil à retordre à beaucoup de gens. Ils chercheront à s'en débarrasser en le rationalisant, en se trouvant des excuses, en l'interprétant à leur convenance, en le niant et en prétendant « Bah, c'est l'Ancien Testament. Cela ne s'applique plus aujourd'hui. » Mais je puis vous dire ceci. Vous ne pourrez jamais donner plus à Dieu que ce que vous recevez. Vous ne pourrez jamais vous montrer plus généreux que lui. Malachie. Chapitre 3, versets 8 et 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? » Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. comment Dieu pourrait-il s'exprimer plus clairement et simplement? Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous subirez une malédiction. Nous considérons souvent une malédiction comme une chose terrible qui nous tombe du ciel, comme une tornade, un ouragan, un tremblement de terre ou une autre forme de destruction totale. Non, toutes sortes de malédictions peuvent survenir dans la vie d'une personne. Mais continuons notre lecture au verset 10. Voici ce que vous devez faire. Apportez la dîme complète, pas seulement 5% de 10%. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Faire en sorte de subvenir aux besoins du ministère. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous devez donc le croire sur parole ou le croire menteur. Il ne reste aucune zone grise. Et si vous obéissez, il vous protégera. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Nous devons accomplir l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'œuvre du royaume de Dieu, en donnant notre dîme et nos offrandes pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu le mandat de répandre le ministère de Dieu à travers le monde. Comment puis-je dire cela? En répétant les instructions de Jésus à ses disciples dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et encore, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus savait que nous ne serions pas tous disposés à y aller et prêts à partir. Beaucoup sont appelés, et ceux qu'il appelle, il les envoie au loin. Mais à ceux qu'il laisse à la maison incombe la tâche et la responsabilité de donner, de soutenir l'œuvre de ceux qui sont partis au loin, afin qu'ils puissent rester là où Dieu les a envoyés et qu'ils accomplissent sa volonté dans leur vie. Nous devons utiliser nos trésors, deuxièmement, pour pourvoir aux besoins. Il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Une des façons pour Dieu de pourvoir à mes besoins est de me procurer un emploi. Des gens restent assis en attendant un geste de Dieu. Mais il veut nous faire comprendre que tous les principes qu'il nous inculque dans sa parole sont liés. Par exemple, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et relié avec « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. » Dieu désire nous voir pourvoir aux besoins à commencer par les nôtres. Ensuite, nous pourrons pourvoir à ceux des autres. Tournons maintenant dans un passage que vous connaissez probablement très bien pour l'avoir lu plusieurs fois. Il s'agit d'Éphésiens chapitre 4, verset 28. « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien. Et pourquoi donc? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » L'utilisation adéquate des trésors de Dieu ne consiste donc pas seulement à subvenir à nos propres besoins personnels, mais aussi à pourvoir aux besoins des indigents. Si vous désirez la bénédiction de Dieu, vous devez d'abord désirer être une bénédiction pour les autres. Et si vous êtes prêt à donner aux autres, Dieu vous donnera en retour. Il n'a pas dit qu'il pourrait le faire, il a dit qu'il allait le faire. Et quand nous considérons les principes encadrant l'acquisition et l'utilisation de nos trésors, nous sommes étonnés de leur simplicité. C'est comme apprendre l'alphabet ou les chiffres. Dieu nous dit, « Si vous faites ceci, je ferai cela. » La seule question à laquelle nous devons répondre est, « Est-ce que je fais confiance au propriétaire de toutes choses ? » Est-ce que je le crois lorsqu'il me dit que je ne suis pas le propriétaire, mais bien le gestionnaire de mes trésors? Ai-je confiance en lui? Suis-je certain que si ma performance de gestionnaire ou de dispensateur est à la hauteur, il me bénira en retour? Si je ne lui fais pas confiance, je ne mettrai pas ses principes en pratique. si je lui fais confiance, je les mettrai en pratique. Ce n'est pas compliqué. Nous devons donc utiliser nos trésors pour l'œuvre du royaume de Dieu et pour pourvoir aux besoins. Or, cela implique autre chose. Car en donnant et en pourvoyant aux besoins pour l'œuvre du ministère, nous devons aussi utiliser nos trésors pour atteindre des buts fixés par Dieu, des buts qu'il a établis pour notre vie avant même qu'elle commence. Et nous devons découvrir quels sont ces buts, quelle est sa volonté pour notre vie. Regardons Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Dieu peut nous diriger dans notre vocation, notre emploi, nos investissements, notre vie personnelle. En résumé, il nous indiquera ce que nous devons faire. Troisièmement, nous pouvons donc, en tant que gestionnaire, utiliser les trésors confiés par Dieu pour atteindre les buts qu'il a fixés pour notre vie. Qu'il s'agisse de l'éducation de vos enfants ou d'un autre aspect de votre vie. Dieu ne laisse rien au hasard. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et si nous le reconnaissons, il nous enseignera, nous formera et nous indiquera avec précision ce que nous devons faire. Nous pouvons donc également nous servir de nos trésors pour collaborer à la réalisation du plan de Dieu pour notre vie. Quatrièmement, nous devons utiliser les trésors confiés par Dieu pour réaliser les désirs de notre cœur. Nous allons lire un passage que peu de gens comprennent vraiment. Je devrais enseigner un message sur ce passage dans peu de temps, car beaucoup le sortent de son contexte et ils ont alors beaucoup de difficultés à le comprendre. Et ils se demandent, comment Dieu peut-il dire une telle chose? Il s'agit du psaume 37. En fait, le psaume au complet renferme une promesse merveilleuse, grandiose et stimulante. Vous pourriez retirer tellement de bénédictions de la lecture des 10 ou 11 premiers versets. Lisez-les. Et vous serez étonné du message de Dieu pour vous. Mais pour le besoin de notre étude, nous n'en lirons que quelques-uns. En commençant par le verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Que fera-t-il? Il vous donnera ce que votre cœur désire. Verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Êtes-vous surpris par cette expression « Fais de l'Éternel tes délices » Dieu nous promet que si nous faisons de lui nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire. Nous aurons le privilège d'utiliser une partie des dons que Dieu nous confie pour nous délecter des plaisirs que Dieu nous accorde. Pour en profiter. Cela vous semble-t-il trop beau? Certaines personnes pensent que les chrétiens ne devraient pas être trop heureux et ne devraient pas trop jouir de la vie. Mais pourquoi pas? Nous devrions être les personnes les plus heureuses, les plus comblées et les plus satisfaites au monde. Nous devrions être dans la paix et la joie la plus intense et jouir de chaque instant de notre vie. Pourquoi devrions-nous nous sentir coupables de nous délecter dans l'Éternel s'il nous en donne la permission? Bien plus, il nous promet que si nous faisons cela, il nous donnera ce que notre cœur désire. Dieu veut nous voir respirer le bonheur et la joie. Il veut nous voir jouir de la vie. Certains pourraient rétorquer. Comment pouvez-vous être aussi heureux alors que nous sommes entourés de tous ces gens qui souffrent? Mais justement, la réponse est de faire de l'Éternel nos délices. Il doit devenir l'objet de notre affection, l'obsession de notre vie. Il est le seul à compter vraiment. Toutes les autres personnes et toutes les autres choses dépendent de lui. C'est seulement à ce moment que nous pouvons le reconnaître comme le maître absolu de toutes choses, derrière le chaos apparent. Et même si ses voix dépassent notre entendement, nous savons par la foi qu'il contrôle absolument et parfaitement le cours de ce monde. Sinon, voici ce qui arrivera. nous deviendrons désabusés, cyniques, matérialistes et orientés vers les choses terrestres. Et puis en peu de temps, nous serons dominés, dirigés par une soif de prospérité personnelle. Mais Dieu veut que nous lui obéissions. Il n'attend que cela pour nous bénir. Délectons-nous dans l'Éternel. Qu'il devienne l'obsession de notre vie, le point de mire de notre pensée et de notre vision. Qu'il soit le premier en toutes choses et toujours. Que nos relations avec les gens et les choses soient filtrées par Christ notre Sauveur. L'Éternel dit, « Voici ce que tu peux attendre de ma part. Je te donnerai ce que ton cœur désire. » Dieu veut donner du plaisir à ses enfants. La vie chrétienne n'est pas faite seulement de discipline et de dur labeur, mais également de plaisir procuré par notre Seigneur Jésus-Christ, avec les bénédictions et les objectifs que Dieu a prévus pour ses enfants. Si nous faisons de l'Éternel nos délices, il transformera les tempêtes de notre vie, et en peu de temps, nous verrons l'arc-en-ciel. Pourquoi ? Parce que Dieu aime ses enfants et veut les voir prospérer. Il veut les bénir et leur donner du plaisir. Oui, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mon ami, qu'il en soit ainsi. Dieu veut nous voir prospérer. C'est sa volonté pour notre vie. Et il connaît assurément le meilleur parcours de vie que chacun de ses enfants peut emprunter. Pour cela, il aplanit nos sentiers. Aussi, plus nous le chercherons, plus nous lui ferons confiance et plus nous lui serons dévoués. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, Charles Stanley nous a encouragés à faire de Jésus-Christ l'objet de notre affection et l'obsession de notre vie. C'est alors que nos désirs et ses désirs deviendront un. Comment recevoir davantage de Dieu? Comment être béni abondamment? Si vous désirez plus de Dieu, commencez par distribuer autour de vous les trésors déjà accordés par Dieu et soyez ses bons dispensateurs. Ce principe est valable pour tous les aspects de votre vie. Désirez-vous l'amour? Mettez-vous à aimer plus! Désirez-vous développer des relations, avoir plus d'amis intimes? Commencez par être vous-même un ami. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.